Représente, représente. Marc Scalpel de frais. Fidesz, écoute ça. Représente, représente, représente, représente. Pour tous les sœurs et les refrains. Shalom, shalom. Qui galèrent dans ce monde sans paix. Galèrent dans le cœur de l'homme. De frais la production, de frais la production. Pas ta foi frérot, car d'où vient l'amour, sinon de notre père qui nous surveille de là-haut. Ouvre les yeux et garde les pieds sur terre, car nul homme est un héros. Faut qu'on protège notre planète, ainsi que l'atmosphère qui plane au-dessus de nos têtes. Il est dur de se démarquer dans ce monde courageux et celui qui fait ses choix et qui ne craint ce que les autres lui vont dire ou penser. Mes sens sont en éveil, Rio de Janeiro m'ouvre ses bras comme Jésus sur le Corcovado. Transmettre une émotion représente pour nous beaucoup plus que les bifetons. Dédicace à mon Grimon et à deux frères, notre ingénieur en son. Dédie mes textes à Gwen, dédié Joko, ça scalpel, mon assaut, ça pose, fais gaffe à ton refrain. J'en place une pour ta et deux frères.